aussi tous ceux qui les cassent, histoire de défouer. Ah ouais, quel biais. Les mauvais payeurs, tu as fait de groupes comme ça. Ces mecs qui donnent leur vie, qui donnent aussi leur foi. Waha, faudrait pas croire, c'est la faute, a pas de chance. Non, faudrait pas croire, c'est la faute, a pas de chance. Tant pis pour la misère, tant pis pour toi. Si par hasard tu es de ceux qui se disent maudits, ici-bas, les mauvais parleurs disent toujours des choses comme ça. Ces mecs qui plaignent leur vie, qui pleurent toujours leur tort, trop tard. C'est la faute, a pas de chance. Non, faudrait pas croire, c'est la faute, a pas de chance. Tu t'en fous du moment que tu ne comprends pas, vraiment pas, car tu n'es jamais là. 1, 2, 3, 4. Fuck.